avons deux parties. Une première partie consacrée à une nouvelle notice, donc un projet de nouvelle notice sur Heidegger, puisque c'est dans les noms qui figurent dans le dictionnaire, nous n'avions pas pensé à introduire Heidegger. Donc voilà, ça va être fait aujourd'hui. Et ensuite, nous allons parler d'excommunication avec Catherine Clément-Oja et Emilien Zambli et Evelyne Olial-Croz qui apportera donc également le point de vue du judaïsme sur cette question. Voilà. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'ai préparé mon exposé, peut-être non pas d'emblée comme une synthèse sur Heidegger, mais plutôt comme la suite de l'exposé que j'ai fait l'an dernier, le 20 février, et qui était intitulé « La phénoménologie de la vie religieuse du jeune Heidegger, une mise en perspective ». J'ai parlé à cette occasion du volume intitulé « Phénoménologie de la vie religieuse » paru dans la traduction de Jean Greisch chez Gallimard en 2011 et qui correspond au tome 60 de l'édition complète, donc « Gesamtausgabe » des œuvres de Heidegger. Ce volume comprend, sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui, comprend deux cours et un projet de cours appartenant à ce qu'on appelle le premier enseignement fribourgeois de Heidegger, allant de 1919 à 1923, avant les quatre années passées à Marbourg en tant que professeur extraordinarius de l'automne 1923 à l'été 1928, et donc bien avant sa première grande publication de 1927, Être-temps, qui permit à Heidegger d'avoir un poste définitif à Fribourg. Donc, Être-temps, dont la publication rendit célèbre Heidegger, est à peu près contemporain d'une conférence que Heidegger a donnée en juillet 1927, où il était à l'époque le collègue et l'ami du grand théologien protestant Rudolf Bultmann, sous le titre « Phénoménologie et théologie », et qu'il a reprise en 1928 à Tübingen, sous le titre « Théologie et philosophie ». Le titre de mon exposé aujourd'hui serait plutôt Heidegger, théologie et philosophie, parce que ce dernier intitulé est sans doute plus éloquent quant au fait que par cette conférence, Heidegger a apporté sa contribution à un thème et un sujet à la fois classique et disputé depuis des siècles. Donc, sur l'histoire des rapports entre philosophie et théologie, je vous renvoie à une éclairante contribution d'Olivier Boulnois, disponible en ligne sur le site de l'École pratique de hautes études, qui souligne bien qu'il s'agit d'une invention médiévale, le fruit de la rencontre entre la rationalité grecque et la révélation biblique. Le premier ouvrage proprement dit de théologie au XIIe siècle, la Theologia d'Abélard, témoigne d'une façon de régler les rapports entre philosophie et théologie en faisant de la théologie l'accomplissement suprême de la philosophie, solution que rend d'une façon quelque peu déformée l'expression latine très connue « philosophia ancilla theologiae », la philosophie conservant de la théologie. Nous verrons qu'à l'égard de cette noble tradition qui reconnaît la dignité de la philosophie sans reculer toutefois à déclarer son infériorité ou sa subordination, Heidegger s'inscrit résolument en porte-à-faux. Mais il nous faut d'abord comprendre d'où venaient les préoccupations théologiques de Heidegger, et à ce dessein, un bref détour bibliographique est nécessaire. Fils du sacristain de l'église Saint-Martin de Meskirch, de sorte qu'un commentateur a pu écrire à son sujet que le vrai point de départ de l'histoire du texte heideggerien n'est pas la forêt noire, mais l'élément catholique, Heidegger se destine initialement à des études de théologie. C'est son professeur de dogmatique, Karl Breg, qui contribue à éveiller son intérêt pour la philosophie, comme l'avait fait la découverte précoce d'un livre de Franz Brentano, professeur de son maître Husserl par ailleurs, sur la diversité des acceptions de l'être d'après Aristote, livre que Heidegger reçoit en cadeau en 1907 de la part d'un ami de famille, Konrad Gröber, futur archevêque de Fribourg. Le parcours de Heidegger est marqué par l'interruption de ses études de théologie suite à une crise de la foi catholique dont les premiers signes se manifestent dès 1914, même si, en 1917, son maître Husserl voyait encore en lui un philosophe catholique avec de francs engagements confessionnels. De cette crise de la foi, le témoignage le plus saisissant est une lettre du 9 janvier 1919 que Heidegger envoie au chanoine Engelbert Krebs, où il écrit, je cite, « Le système du catholicisme m'est devenu problématique et inacceptable, mais non le christianisme ni la métaphysique, comprise en un sens nouveau. » Dans cette affirmation s'annonce la rupture de Heidegger avec le catholicisme, due aussi, on le suppose, à l'influence de sa femme Elfriede, épousée en 1917, et son rapprochement par rapport au protestantisme. Il faut souligner, en effet, qu'au moins jusqu'au milieu des années 20, malgré l'abandon de ses études de théologie et sa prise de distance radicale par rapport au catholicisme, Heidegger continue à baigner intellectuellement et personnellement dans l'élément du christianisme. Un témoignage célèbre en est une autre lettre adressée par Heidegger à Karl Levitt, de 8 ans son cadet, le futur auteur de « D'histoire et salut », donc « Weltgeschichte und Heilsgeschichte », 1953, doctorant à l'époque. Cette lettre fameuse, datée du 19 août 1921, mérite d'être mentionnée ici puisqu'elle reflète l'identité philosophique de Heidegger au début des années 20 et nous permettra de prendre la mesure du changement d'attitude qui se produit lors de cette décennie pendant laquelle, à Marbourg, dans ce grand centre du protestantisme allemand, Heidegger sera conduit à travailler avec des théologiens comme Rudolf Bultmann. Je cite un extrait de cette lettre. « Je travaille concrètement, facticiellement, écrit Heidegger, à partir de mon « je suis », à partir de ma provenance spirituelle, facticielle comme telle, milieu, contexte de vie, à partir de ce qui m'est accessible en partant de là, en tant qu'expérience vivante dans laquelle je vis. » C'est un style un peu, un peu compliqué. « C'est avec cette facticité de l'être tel, avec l'historique, l'existence et vie, ce qui veut dire que je vis les obligations internes de ma facticité, et je les vis aussi radicalement que je les comprends. À cette facticité appartient ce que je nomme ainsi brièvement que je suis un théologien chrétien. Cela implique un certain souci de soi radical, une certaine scientificité radicale, une objectivité rigoureuse dans la facticité. Cela implique la conscience historique de l'histoire spirituelle. Et je suis cela, donc un théologien chrétien, dans le contexte de vie de l'université. » La façon dont le philosophe allemand se définit ici comme un théologien chrétien est à plus d'un titre remarquable. Certes, Heidegger écrit le mot théologien avec un tiret, en le décomposant selon son étymologie et en soulignant la composante qui correspond au logos. C'est à la manière de dire le divin plutôt qu'au divin lui-même, comme objet de foi que semble faire référence cette autoprésentation. La deuxième chose à souligner est l'accent que Heidegger met pour définir son identité philosophique sur sa facticité historique ou sa provenance concrète qui est incontestablement le milieu chrétien. Heidegger semble formuler dans cette lettre une sorte de credo d'existence tout à fait semblable à celui qu'il repérera par ailleurs chez le premier chrétien. Vivre radicalement dans la compréhension de sa propre situation historique. Cela n'empêche cependant que cette façon de s'auto-identifier un théologien chrétien apparaît comme extrêmement fugace et passagère, et donc rétrospectivement extrêmement problématique si l'on tient compte de l'évolution, même immédiate, de la position philosophique de Heidegger. En effet, déjà à la fin de l'année 1921, dans son enseignement, Heidegger se livre à des plaidoyers en faveur de ce qu'il appelle un athéisme méthodologique et écrit « On ne peut plus nettement, au sujet de la philosophie, qu'elle est athée lorsqu'elle se comprend radicalement. » Nous devinons donc que la manière qu'aura Heidegger de régler les rapports entre philosophie et théologie ira plus dans le sens d'une séparation radicale. On peut considérer bien sûr que l'athéisme méthodologique de la philosophie qui demeurera une constante dans sa pensée, revient avant tout à dire qu'elle ne se confond pas et n'a pas à se confondre avec la théologie. Elle n'a pas à se situer dans le registre de la foi religieuse. Telle est, par exemple, la neutralité théologique de Sein und Zeit. Si l'on regarde, par exemple, la note présente à la page 306 qui vise à assurer une certaine étanchéité entre ces analyses et ce qui peut sembler être leur correspondant du côté de la théologie chrétienne, en l'occurrence la doctrine du péché originel. Dans cette optique où l'athéisme méthodologique n'est rien de plus qu'une forme de neutralité, on peut sans contradiction faire de la théologie tout en adoptant une position d'athéisme méthodologique. C'est un peu l'impression qu'on peut avoir. L'idée d'un athéisme méthodologique est donc à elle-même une façon de concevoir les rapports entre philosophie et théologie. De leur reconfiguration témoigne éminemment la conférence Phénoménologie et théologie prononcée par Heidegger à Marbourg en mars 1927 et à Tübingen en février 1928. Cette conférence insiste en effet sur l'hétérogénéité entre la théologie comme science positive et historique de la foi et la philosophie qui apporte un correctif ontologique, donc j'expliquerai de quoi il s'agit, à ces descriptions ontiques. Sans pour autant que la philosophie ait intrinsèquement besoin de se rapporter à la théologie. Car pour Heidegger, je l'annonce dès maintenant, l'idée même d'une philosophie chrétienne est un cercle carré, une contradiction dans les termes, c'est-à-dire. Bon, je ne pourrais aujourd'hui présenter que quelques remarques à propos de cette conférence importante qui me semble représenter le cœur de, ou en tout cas un des noyaux importants de la contribution de Heidegger à ce grand sujet disputé du rapport entre la théologie et la philosophie. L'idée de correctif, tout d'abord, donc de la philosophie comme correctif de la théologie, c'est une idée assez étrange, est très particulière comme manière de répondre à la question des rapports entre philosophie et théologie. Elle est d'autant plus remarquable qu'en 1924, dans un exposé sur Luther fait au séminaire de Bultmann, Heidegger l'utilise pour caractériser les rapports entre le protestantisme et le catholicisme, c'est-à-dire pour identifier dans le protestantisme le correctif du catholicisme. Alors donc, en 1924, il voit dans le protestantisme le correctif du catholicisme, et c'était là sans doute aussi un résumé de son expérience personnelle, qui passe, comme je viens de le rappeler, par la conversion ou par un éloignement par rapport au catholicisme. En 1927, cette caractérisation se trouve déplacée et appliquée au rapport entre philosophie et théologie. L'introduction de cette idée de correctif passe, dans le contexte de la conférence, par la distinction de l'antique et de l'ontologique, c'est-à-dire entre ce qui relève des différentes régions d'être et qui fait le domaine des sciences particulières, par exemple la réalité physique, le psychique, la réalité historique ou sociale, etc. Donc ça, c'est ce qui correspond à ce que Heidegger désigne par le terme « ontique », et ce qui relève de l'être lui-même ou des caractères d'être communs aux différentes régions d'être. Donc c'est ce qui était traditionnellement, pour le dire tout de suite, l'objet de la métaphysique ou encore de l'ontologie, et que Heidegger poursuit sous la forme d'une interrogation sur l'être renouvelé. Dans la terminologie de Heidegger, cette distinction de l'antique et de l'ontologique, qui permettra de tracer la frontière entre la théologie et la philosophie, recoupe la différence ontologique, à savoir la distinction de l'être et de l'étant. Là où la philosophie s'occupe de l'être, la théologie s'occupe de l'étant, ou, pour le dire autrement, des régions particulières d'être, des régions particulières de réalité. Et elle serait, en cela, plus proche finalement des sciences positives que de la philosophie. C'est là une des thèses les plus importantes de la conférence. Je cite, « La théologie est une science positive et comme telle, elle est absolument différente de la philosophie. » La théologie se caractériserait donc par la positivité, là où la philosophie se distingue par le caractère ontologique de sa démarche. Mais quel type de positivité pour la théologie ? Heidegger n'ignore certes pas que la révélation, comme base positive de la théologie, n'est pas une réalité factuelle comme la réalité physique ou psychique. À son appui positif, la théologie ne se rapporte pas par l'observation ou par l'expérimentation, mais par la foi. Cela ne l'empêche pas d'avoir, aux yeux de Heidegger, sa propre scientificité. Je remarque au passage qu'il s'agit là aussi d'un thème classique et disputé, la scientificité de la théologie. Il suffit de penser à l'article 2 de la première question de la somme théologique de Thomas d'Aquin, qui pose la question de savoir si la doctrine sacrée est une science. Comme science de la foi, donc de façon assez étonnante quelque part, Heidegger s'inscrit dans cette lignée en répondant à la question par l'affirmative et en définissant la théologie comme une science de la foi. La théologie est une science historique, voire, comme il dit, historico-pratique, dans la mesure où elle est concernée à la fois par l'historicité de la révélation et par le comportement croyant. Or, comme le précise Heidegger, ce n'est pas la foi elle-même, mais la science de la foi en tant que science positive qui a besoin de la philosophie. Donc on va dans la direction d'un recours de la théologie à la philosophie, d'un recours nécessaire de la théologie à la philosophie, et cela dans la mesure où tous les concepts théologiques fondamentaux renferment nécessairement, pour Heidegger, une certaine compréhension de l'être. Donc, je vais essayer d'expliquer cela à partir de l'exemple qui est pris ici. Il s'agit d'un concept sur lequel, comme je viens de le rappeler, Heidegger est intervenu déjà en 1924 au séminaire de Bultmann pour parler de Luther. Donc c'est la conférence où il conclut en affirmant que le protestantisme est le correctif du catholicisme, à savoir le concept de péché. Donc le concept de péché, le concept théologique de péché, recèle, c'est ce que Heidegger essaie de montrer, une détermination ontologique ou existentielle, c'est-à-dire relative au mode d'être qu'est l'existence, et cette détermination est la faute, l'idée de faute en allemand Schuld. Il ne s'agit pourtant pas de procéder à une déduction rationnelle du péché à partir de la faute, ou encore du concept théologique à partir du concept ontologique, du concept théologique de péché à partir du concept ontologique de faute, mais tout simplement de dégager le soubassement ontologique des concepts que la théologie, chrétienne en l'occurrence, emploie en les ayant le plus souvent hérités du monde grec ou hébraïque. C'est pour désigner cette intervention clarificatrice de la philosophie que Heidegger parlera de correction, donc cette correction en allemand, et de correctif. Donc je cite, « L'ontologie ne fonctionne donc que comme un correctif du contenu antique, c'est-à-dire pré-chrétien, des concepts théologiques fondamentaux. La correction, ici, n'est ni déduction ni fondation. Elle ne donne bien plutôt, écrit Heidegger, qu'une indication formelle. » Donc elle se contente d'indiquer quelque chose qui peut avoir l'apparence d'une source, mais qui n'en est pas une. Elle ne donne bien plutôt qu'une indication formelle, c'est-à-dire que c'est théologiquement, le concept ontologique de faute n'est jamais comme tel pris pour thème. Donc, pour le dire autrement, la correction revient à indiquer ce que la théologie ne peut pas thématiser par elle-même. La théologie elle sera toujours prise dans sa conceptualité, qu'elle ne pourra pas interroger elle-même de façon critique, et c'est là qu'est censée intervenir la philosophie. Il ne s'agit pourtant pas de rechercher un fondement, mais d'indiquer un soubassement, ou plutôt un horizon, je dirais, ontologique, à partir duquel les concepts théologiques sont susceptibles d'être mieux éclairés quant à leurs présuppositions sémantiques et historiques. C'est ainsi qu'il faut comprendre la correction, simplement comme une indication formelle du domaine ontologique qui a pour fonction, écrit Heidegger, non pas d'enchaîner la théologie à la philosophie, on sous-entend, mais inversement de libérer et d'éclairer. En conséquence, le rapport de la philosophie à la théologie peut être précisé comme suit. La philosophie est le correctif formel, ontologique, c'est assez formel du coup, comme caractérisation, la philosophie est le collectif formel ontologique du contenu ontique, c'est-à-dire très chrétien, des concepts théologiques fondamentaux. Correctif formel ontologique du contenu ontique, c'est-à-dire très chrétien, des concepts théologiques fondamentaux. Mais en même temps, et c'est là une précision tout à fait essentielle, la théologie peut être ce qu'elle est sans remplir en fait cette fonction de... La philosophie, par exemple, peut être ce qu'elle est sans remplir en fait cette fonction de correctif. Cela veut dire que si la philosophie, si la théologie, pour s'assurer de sa scientificité, a besoin de la philosophie n'a pas en retour besoin de la théologie et on reste rigoureusement séparés. C'est pourquoi, pour Heidegger, l'idée même de philosophie chrétienne, comme je viens de le dire, est un cercle carré. Donc cette affirmation, cette façon de rejeter l'idée de philosophie chrétienne, nous fait rejoindre la thèse évoquée précédemment d'un athéisme méthodologique de la philosophie sous la forme d'une caractérisation implicitement mais foncièrement athée de la philosophie. On peut citer aussi dans le même sens le témoignage d'une lettre de la même époque adressée par Heidegger à son amie Elisabeth Bloch-Mann le 8 août 1928, où Heidegger distingue non pas tant la croyance du savoir ou la foi de la raison, comme on le fait traditionnellement, mais le credo de la théologie du credo philosophique. Donc je lis un bref extrait. « La religion est une possibilité fondamentale de l'existence humaine, même si elle diffère du tout au tout de la philosophie. Celle-ci, donc la philosophie, à son tour a, elle aussi, sa foi, qui est la liberté du Dasein lui-même, donc de l'existence humaine, on pourrait dire elle-même, qu'elle n'accède, à laquelle elle n'accède que dans l'être libre. » Donc le credo de la philosophie est un credo de liberté et on voit, on sous-entend, en tout cas, on croit il est incompatible ou difficilement compatible avec le credo de la théologie. On peut cependant supposer que Heidegger n'a pas été tout à fait content de cette manière de résoudre les rapports entre philosophie et théologie en 1927-28. La conférence Phénoménologie et théologie a eu en effet un sort éditorial particulier puisqu'elle n'a été publiée qu'en 1969, donc plus de 40 ans plus tard, dans une version, cela est remarquable, dans une version d'emblée bilingue dans les archives de philosophie. Pour ne paraître en Allemagne chez l'éditeur de Heidegger, Klostermann, qu'en 1970, avec une dédicace à Bultmann. Donc la version française que l'on a, en fait, c'est la première publication de la conférence. Et la correspondance de Heidegger avec Bultmann, éditée il y a quelques années, en 2009, montre à quel point Heidegger a hésité à reprendre et à publier cette conférence, malgré les insistances de Bultmann, et ce, pour des raisons ouvertement disciplinaires, pour ainsi dire. Au printemps 28, lorsque Heidegger apprend sa nomination à Freiburg, qui le fera quitter Marbourg quelques mois plus tard, Bultmann lui écrit qu'il considère son départ comme une perte importante, non seulement d'un point de vue personnel, mais surtout pour la faculté, donc pour sa faculté à lui, la faculté de théologie protestante, et pour la théologie en général. Bultmann n'ignore en effet pas le fait qu'à Freiburg, il n'y a pas de faculté de théologie protestante, et que donc Heidegger sera replongé, bon gré mal gré, dans l'élément catholique, l'élément de sa jeunesse. Mais élément qui, notons-le au passage, suscitera de la part de Heidegger, selon divers témoignages d'époque, la plus grande hostilité. Au regret exprimé par Bultmann devant la perspective de son départ, Heidegger répond plutôt froidement que plus rien ne le retient à Marbourg, que son intérêt pour la faculté de théologie a été entièrement dû à son estime et amitié pour Bultmann, et que comme philosophe, il a besoin d'une atmosphère différente, telle que celle qu'il a connue à Freiburg et qu'il se réjouit de retrouver. En outre, à l'automne 1928, lorsque Bultmann invite Heidegger à faire partie du comité d'une revue dont il s'apprête à reprendre la publication, la célèbre Theologische Rundschau, et lui propose de publier sa conférence, la conférence Phénoménologie et théologie, avec sa propre conférence sur le concept de révélation dans le Nouveau Testament, Heidegger décline cette publication. Donc il aurait eu l'occasion de publier la conférence en 29 déjà, dans la théologie Scherunschau, à côté d'une conférence de Bultmann, mais il a refusé, et par ailleurs, il ne publiera jamais dans cette revue, dans laquelle il figurera cependant comme membre du comité de rédaction de 1929 à 1943. Bultmann aura beau insister en faveur de ce qu'il appelle le plan initial d'une publication conjointe de leurs deux conférences, il devra finir par accepter de publier la sienne séparément, dans la première nouvelle livraison de la Theologische Rundschau en 29. La correspondance avec Bultmann, qui a été, vous le comprenez, une source importante pour moi dans la préparation de cet exposé, montre aussi que Heidegger ne s'en est pas tenu à la caractérisation ouvertement réductrice de la théologie comme science positive ou discipline antique qu'il avait proposée dans sa conférence de 1927. Déjà dans une lettre du 23 octobre 1928, il écrit, donc je cite et je traduis, une tentative renouvelée de retravailler ma conférence sur la théologie m'a montré que les frontières ne sont pas encore clairement tracées. Ce qui n'a pas été suffisamment travaillé par lui-même, on sous-entend, c'est le caractère de la théologie qui la situe au même niveau que la philosophie, en ceci qu'elle s'occupe du tout, mais antiquement. En effet, la philosophie en tant qu'ontologie est elle aussi une antique entièrement différente d'une science positive. Donc ici, les frontières se brouillent un tout petit peu, à la fois entre l'antique et l'ontologique, si la philosophie est elle-même une antique, et entre l'idée de science positive qui était par définition depuis Aristote, en tout cas de science en général, qui était par définition depuis Aristote une science régionale, et puis la théologie qu'on ne peut pas forcément caractériser comme une science régionale. Cela veut dire que la philosophie et la théologie se rejoignent par leur visée de la totalité, du tout du monde comme du tout de l'existence, ce qui fait quelque peu vaciller tous les partages supposés fermes opérés en 1927. Il ne semble toutefois pas que Heidegger ait jamais remis en cause le diagnostic d'une séparation tranchée entre la philosophie et la théologie. En décembre 1930, à l'invitation de Bultmann, Heidegger revient à Marbourg pour donner une conférence intitulée « Philosopher et croire » en philosophie und Glauben. Il s'agit de fait d'une variante d'une conférence qui est beaucoup plus connue sur l'essence de la vérité, à laquelle Heidegger a ajouté le paragraphe introductif suivant. Donc, je cite, il est édité dans la correspondance avec Bultmann, toujours. Je cite et je traduis, nous ne parlons pas du philosopher ou du croire, nous ne parlons pas non plus de leur rapport, mais bien plutôt nous philosophons dans la mesure où nous posons la question de l'essence de la vérité. Mais ce faisant, la croyance n'est-elle pas déjà exclue? Effectivement, et pourtant nous traitons aussi de la croyance et du rapport à elle dans la mesure où nous en gardons le silence. Le titre de la conférence, dont Philosopher et croire, dit que la croyance et le rapport à elle doit demeurer pour la philosophie ce qui est passé sous silence. Donc, c'est très étonnant. Das verschwiegen. C'est là un diagnostic qui rappelle étrangement l'interdit Wittgensteinien du Tractatus de 1921. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Plus tard, toutefois, dans les années 50, Heidegger revient implicitement sur cette injonction au silence, qui est très étonnante dans son contexte. Dans une lettre à Bultmann du 12 octobre 1954, il écrit « Il me semble qu'un nouveau dialogue entre la théologie et la philosophie doit être entamé à l'intérieur des domaines des sens, désignés par les deux titres « histoire » cela on peut dire qu'il avait déjà fait dans sa jeunesse, dans une certaine mesure, est langue, histoire est langue, mais les deux sont difficiles à penser parce que l'une comme l'autre sont tellement proches de nous. Il serait difficile à dire et si et sous quelle forme Heidegger a lui-même entamé ce nouveau dialogue entre la théologie et la philosophie à partir notamment de la langue. Donc, je pense que là c'est une tâche importante qui est en quelque sorte restée en suspens. Mais on peut sans hésiter conclure que la question n'a cessé de le travailler pour des raisons qui relèvent aussi de sa propre explication personnelle avec le christianisme, et il faudrait préciser, je crois, avec le judéo-christianisme. Pour finir, je vais sauter une assez longue citation pour laisser un peu de temps à la discussion. Donc je dirais, là ce sera une conclusion un peu dense, mais ce sont quand même des questions importantes qu'il faut évoquer. Dès le milieu des années 30, jusqu'au célèbre entretien de la revue Spiegel en 1966, publié seulement après sa mort, la méditation philosophique de Heidegger a été travaillée intérieurement, voire souterrainement, par la pensée et l'attente du dernier Dieu. Donc c'est un thème important et très mystérieux, en quelque sorte, mystérieux en apparence du moins, la pensée du dernier Dieu qui seul peut nous sauver. Donc c'est la fameuse déclaration de l'entretien de Spiegel de 66, seul un Dieu peut nous sauver. Donc en apparence du moins, cette pensée du dernier Dieu est dirigée contre le Dieu chrétien, et du fait de cette opposition, on a identifié sans doute à raison chez Heidegger un anti-christianisme très, très puissant. J'aimerais ajouter pour finir, mais là c'est vraiment une interprétation, qu'il est important à mon sens de comprendre que c'est de cette tendance qui est solidaire aussi, donc de cette tendance anti-chrétienne, qui est solidaire aussi l'anti-judaïsme de Heidegger, qu'on peut à mon sens dire, en complétant une affirmation de Didier Franck, que chez Heidegger, l'explication avec la métaphysique et le débat avec le judéo-christianisme et le judaïsme appartiennent au même chemin de pensée. Sur le rapport de Heidegger à la tradition juive, qu'il ignorait assez largement, en tout cas suffisamment pour négliger ses ressources en vue d'un dépassement de la métaphysique, je vous renvoie à l'ouvrage désormais classique de Marlène Zarader, qui est professeure à Montpellier, La dette impensée, La dette impensée, Heidegger et l'héritage hébraïque, paru en 1990 chez Seuil. Mais c'est là un tout autre dossier, donc je m'arrête en vous remerciant de votre attention. C'est cruel. Bien, écoutez, merci. Je crois que on va laisser le quart d'heure qui nous reste à la discussion et à l'échange. Moi, je répète, pour ouvrir la discussion, peut-être deux questions qui seraient importantes deux questions, disons, un petit peu dans le contexte du dictionnaire pour lequel on travaille. La première question, ça serait dans tout le développement que tu as consacré à la question des corrections, des correctifs. Il me semble qu'il y a un certain moment donné un saut dans cette série de correctifs, on a toute une sorte de série d'homologies entre la philosophie, le protestantisme, l'ontologie, versus la théologie, le catholicisme, l'antique. La première question, ça serait, à partir de là, tu as posé la non-nécessité de la théologie pour la philosophie, et tu as aussitôt rappelé cette formulation heideggerienne de la philosophie chrétienne comme cercle carré. D'une certaine façon, il y a un saut là, parce que comment est-ce que Heidegger passe de la non-nécessité de la théologie pour la philosophie à la contradiction interne de la notion même de philosophie chrétienne, alors que par ailleurs tu semblais marquer à quel point une sorte de lien se trouvait constitué entre la philosophie, le protestantisme et l'anthologie, qui reconstruisait en quelque sorte une alliance que ne portait pas la relation au catholicisme. Donc cette question m'a beaucoup retenu, elle m'a en particulier retenu par rapport à une autre figure philosophique qui pourrait résonner de ce point de vue-là avec celle de Heidegger, c'est celle de Ricoeur, et en particulier sur ce qu'on pourrait appeler dans toute la conception du travail philosophique de Ricoeur une forme d'athéisme méthodologique, et en même temps la manière dont toute la pensée de Ricoeur s'enracine dans son premier travail sur la culpabilité, c'est-à-dire dans un type de travail qui rejoint ce que tu disais sur la question du péché et de la faute comme ayant ressoudé en quelque sorte le lien entre philosophie et protestantisme. Donc ça, ce serait ma première question. La deuxième, toujours dans cette préoccupation contextuelle hein, par rapport à d'autres figures philosophiques, d'autant plus que Ricoeur a une entrée, je crois, déjà. La deuxième question, ce serait sur le... C'était Abel qui avait fait la... Voilà. Ça serait sur l'historicité, c'est-à-dire sur le fait que dans ton exposé, tu as parlé de l'historicité d'une manière par deux voies finalement très différentes. La première voie, c'était celle de l'historique comme appartenant aux régions aux zones de compétences positives, si on veut, de la théologie. Et puis d'autre part, quelque chose qui était extrêmement fort dans l'exposé que tu avais présenté avec Laurent Duvieille la saison dernière, qui était sur la manière dont la phénoménologie de la vie religieuse véritablement faisait de l'historicité de ce que tu as redéfini brièvement tout à l'heure comme vie radicale dans la compréhension de la situation historique. Et cette vie radicale dans la compréhension de la situation historique, tu en faisais vraiment à ce moment-là l'un des lieux par lesquels la philosophie de Heidegger tout entière, et en particulier sa pensée de l'historialité, s'enracinait dans cette expérience du christianisme. Donc là, j'avais le sentiment aussi qu'il y avait une sorte de fracture entre deux zones d'historicité, disons, celle qui serait affectée à la théologie, celle qui serait basculée du côté de la philosophie, mais d'une philosophie qui en même temps était marquée dans les années 18-19 comme profondément enracinée dans l'expérience de la vie chrétienne. Donc, c'est la deuxième question. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Là aussi, avec la préoccupation de, comme tu as compris que ce dictionnaire était entre diverses régions antiques des sciences sociales. Oui, tout à fait. D'où la question de la place de l'histoire dans le travail d'Heidegger. Tout à fait. Effectivement, j'ai beaucoup insisté là-dessus l'an dernier, parce que justement, je pensais que c'est au niveau de la pensée renouvelée de l'historicité que Heidegger apportait méthodologiquement quelque chose de très intéressant aux sciences de la religion, pour ainsi dire. Au sens où après, je sais que dans la discussion, c'est un point qui a été contesté, ou en tout cas autour duquel nous avons débattu, la question de savoir si la distinction que fait Heidegger en 1921 dans les cours réunis sous le titre « Phénoménologie de la vie religieuse » entre une histoire objective qui est l'histoire un peu antiquaire, l'histoire des textes, des vestiges, et ainsi de suite, et ce qu'il appelle l'histoire d'accomplissement, la Vollzugsgeschichte, qui est l'histoire au point de vue de laquelle se place le phénoménologue de la vie religieuse, qui essaie de de retrouver en quelque sorte le vécu religieux dans son accomplissement, pour le comprendre. Et Heidegger essayait de faire cela avec Saint Paul, notamment, parce que c'était un des premiers chrétiens, et c'est là qu'il pensait pouvoir trouver le vécu religieux dans son accomplissement exemplaire. Il me semble, et je l'avais dit il y a un an, que de cette distinction entre histoire d'accomplissement et histoire objective, il ne reste plus vraiment de traces après cette époque, et même dans Sein und Zeit, dans Être et Temps, il y a bien sûr l'idée d'une historicité de l'existence qu'on peut mettre en rapport avec l'histoire d'accomplissement, on a l'impression que cette distinction se perd. Et on a aussi un peu l'impression que Heidegger est aussi en train non pas de prendre ses distances quelque part, voire peut-être aussi de gommer ses sources. Ça aussi, il a un travail parfois assez particulier. Et en l'occurrence, dans la conférence de 27, on ne retrouve plus de traces de ces distinctions, tout simplement. Et lorsqu'il parle de la théologie comme science historique, il s'agit vraiment d'un rapprochement avec la positivité de la science historique elle-même, même si il dit à un moment donné, et il joue sur cette ressource qu'a la langue allemande de distinguer le geschichtlich de l'historisch, il dit que la théologie s'occupe de quelque chose qui a en soi-même le caractère d'être, pour ainsi dire, de l'historicité, qu'il s'agisse de la révélation ou de l'événement christique ou bien du comportement croyant. Donc là, dans tous ces cas, on est en présence d'un mode d'existence historique, et il dit bien que c'est pour cette raison qu'il y a une scientificité de type historique de la théologie. Mais cela ne va pas plus loin. Cela ne va pas plus loin dans ce contexte, il me semble. Et du coup, on a l'impression justement que tout ce qui est historicité au sens ontologique, comme dans Sein und Zeit, c'est-à-dire la Geschichtlichkeit, elle est désormais déportée en quelque sorte du côté de la philosophie, mais d'une philosophie qui s'est émancipée en quelque sorte par rapport à son ancrage dans l'expérience de la vie religieuse. Et là, c'est une question encore très importante. L'an dernier, je soulignais le fait qu'à un moment donné, Heidegger disait à cette époque, au début des années 20, que le christianisme a été pour lui, pas seulement pour lui, que le christianisme est en général le paradigme historique, il utilisait ce mot, le plus important pour l'étude des phénomènes de la vie facticielle. Il parle à cette époque de vie facticielle, comme il parlera en 1927 dans Être et Temps, d'existence. Donc il dit, qui s'intéresse à l'existence, au phénomène de l'existence, donc comme la culpabilité, la faute, bon, l'angoisse, etc., trouvera dans les expériences de la vie religieuse telles qu'elles sont relatées non seulement par les premiers chrétiens, mais aussi par les mystiques, et ainsi de suite, le témoignage le plus important, l'illustration concrète en quelque sorte, la plus importante. Et on voit au fur et à mesure que le christianisme perd peu à peu ce rôle paradigmatique. Donc c'est ça qui se passe à mes yeux, le rôle paradigmatique du christianisme s'estompe peu à peu. Et cela correspond aussi à un mouvement de la pensée de Heidegger elle-même. Ta première question, du coup, attire bien l'attention sur la place en quelque sorte charnière du protestantisme. Et c'est moi qui ai introduit la considération du protestantisme à partir de la conférence sur Luther de 24, alors que dans la conférence théologie et philosophie, Heidegger parle de théologie en bloc ou de christianisme en bloc, sans distinguer le protestantisme du catholicisme, mais en connaissant déjà sa biographie et puis ce qu'il a pu écrire par ailleurs, notamment lorsqu'il s'est exprimé dans le séminaire de Bultmann, on ne peut pas gommer ces distinctions et on ne peut pas voir que quand même le protestantisme a eu un rôle tout à fait particulier. Il suffit de penser à la source luthérienne qui a été très importante, aussi à Kierkegaard et des choses qui ont été tout à fait décisives. Or, ce qui s'est passé, c'est que déjà en 1927, donc à l'époque de la rédaction, de la publication des traitants, et qui est aussi l'époque où a été faite cette conférence, la position de Heidegger est de dire que le protestantisme, en l'occurrence Luther et Kierkegaard, s'en tiennent à ce qu'il appelle dans la conférence un niveau de description antique. Ce n'est pas de la philosophie. Kierkegaard est un penseur chrétien, ce n'est pas un philosophe, par exemple. Là, c'est un diagnostic qui sera renouvelé à chaque occasion. Cela n'empêche que, très tôt, parce que personne n'a été vraiment dupe de ce qu'il faisait, très tôt, d'autres penseurs ou des chercheurs, mais ont identifié ce qu'ils ont cru pouvoir appeler l'inspiration protestante de la philosophie de Heidegger elle-même. Et là, c'est un tout autre débat, mais tu fais bien d'attirer mon attention sur le fait qu'il faut absolument en parler. Et un des premiers à avoir dit cela avec beaucoup de clarté, en disant « Heidegger n'a fait que séculariser les thèmes du protestantisme allemand ». Là, c'est un autre débat, mais très important, a été Karl Löwig lui-même, que je mentionnais. Il est intéressant de voir, toujours dans la correspondance avec Bultmann, le mal que Heidegger dit de cette tentative. Il dit, Löwig, il n'a rien compris à ce que j'ai fait, et c'est uniquement pour cette raison qu'il croit pouvoir dire qu'en fait, je ne suis qu'un théologien protestant. Löwig avait utilisé l'expression un peu méchante de crypto-théologien. Il avait dit c'est un crypto. La philosophie de Heidegger, c'est de la crypto-théologie, et lui, il est un crypto-théologien. Et Heidegger a été visiblement très très agacé. Mais c'est très important. Et depuis, il y a un autre article. Tout cela a été publié dans les années 50 dans un collectif édité par Otto Pöbler. Et il y a l'article de Löwig, puis un autre article de quelqu'un, Gettmann ou Lehmann, je ne sais plus exactement. Et puis un troisième article de Gadamer. Donc il y a quand même un dossier assez consistant dont il faudra effectivement parler dans le cadre de l'entrée Heidegger. Non, très très bien. Ce qui est passionnant dans ce cas, c'est qu'on se retrouve finalement avec lui au début et à la fin de la chaîne. Le début, comme tu l'as pris, j'allais dire, en revenant au couple constitutif du terme théologia. Oui. Et j'allais dire, il est, lui, dans toute cette histoire, dans ce mainstream, qu'il est bien obligé de redocumenter quand il s'en empare, et puis le bout de la chaîne, parce que ce moment où on voit bien que les deux en tension suppose quand même de faire un choix. Alors la question qu'on te poserait dans le temps qui nous reste, ce serait, mais ensuite, d'abord, bon, quelle est la réception de cette dimension de Heidegger? On avait vu que ce Heidegger précoce, l'an dernier, ce n'était pas si évident. Mais comment est-ce qu'on peut repenser, ou comment va-t-on repenser, une ontothéologie? Ontothéologie. Tu vois, ça, c'est le cours d'avant. Oui, j'ai vu. C'est neuf, ça. Oui. Vous avez très peu de temps pour répondre. Oui, je sais. Non, mais je dis juste... Mais je pense... mais bon, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres réunions. Oui. Je suis navrée. Oui. Bon, il faut, pour l'ontothéologie, je pense qu'on peut simplement dire que Heidegger a été pour leur séparation radicale, parce que leur fusion, c'était le geste métaphysique par excellence. Après, pour la réception du jeune Heidegger plutôt protestant qui se cache seulement à moitié, son intérêt réside aussi dans le fait que, heureusement, c'est une période dans laquelle la question de l'engagement funeste de Heidegger dans les années 30 ne se posait pas, et du coup il y a là il y a même dans les jeux heideggeriennes une tendance qui consiste à dire qu'il faut lire ce qu'Heidegger a fait dans les années 20 et le reste on peut oublier, ou même il faut lire ce qu'il a fait dans, avant Zeit und Zeit, parce que déjà dans Zeit und Zeit, il n'est plus honnête par rapport à ses sources chrétiennes, et du coup il faut se concentrer sur ce qui vient avant. Donc effectivement ça crée des options exégétiques particulières et parfois intéressantes, surtout dans le contexte des dernières parutions. Merci. On va passer donc à la question de l'excommunication. Je ne sais pas comment vous vous êtes organisé. C'est forcément Émilie qui commence. Voilà, donc c'est Émilie qui commence. Émilie, rejoignez-vous. Merci. Merci à vous. Merci aux organisateurs du séminaire de me donner une nouvelle fois l'occasion de présenter l'excommunication. Et je tiens à préciser que c'est en préparant ma thèse d'histoire du Moyen-Âge que j'ai rencontré cette question. Et donc il n'a pas été aisé, et il n'est toujours pas aisé pour moi, de parvenir à une réflexion de synthèse sur des recherches qui sont à leur commencement. Alors je remercie Evelyne Oliel-Grosse d'avoir accepté de discuter cette séance, et surtout Catherine Clémentin, qui a, elle, accepté de présenter une notice à deux voix sur l'excommunication en régime chrétien et dans l'hindouisme. Et donc pour favoriser les comparaisons, nous avons élaboré une grille d'analyse commune que nous nous sommes efforcés de suivre. Donc le premier point de cette grille d'analyse est bien sûr une réflexion sur le concept lui-même. La notion d'excommunication a été définie par l'Église et les sciences sociales ne s'en sont pas saisies pour en faire un concept de l'analyse des faits religieux. C'est pourquoi il est devenu un mot du jargon ecclésiastique, et c'est sans doute la raison pour laquelle il n'y avait pas d'article dans le dictionnaire. Littéralement, l'excommunication désigne l'exclusion de la communauté sacramentelle des fidèles qui se trouvaient en marche vers le salut, hein, guidés dans ce but par un clergé hiérarchisé. Elle impliquait également l'interdiction de toute communication avec les chrétiens et donc l'exclusion de la communauté religieuse concernait également la société. Dans les sociétés antérieures à la sécularisation, il n'y avait pas d'extériorité sociale à la communauté religieuse et donc l'exclusion était à la fois religieuse et sociale. Mourir en état d'excommunication, c'est-à-dire hors de l'Église, hein, compromettait gravement le salut du défunt et la position sociale de ses proches. Et donc la crainte de la damnation éternelle a sans doute œuvré à l'efficacité spirituelle et sociale de l'excommunication. L'exclusion de la communauté et de la société chrétienne se trouve liée à l'anathème, la malédiction rituelle qui se trouvait en usage dès les premiers siècles du christianisme. Plus que la malédiction, l'excommunication a fait, dans la chrétienté latine, l'objet d'une très intense formalisation juridique. L'exclusion sanctionne un acte mauvais que les sources médiévales nomment faute, péché ou crime. Et ces termes sont souvent employés ensemble, sous forme d'une énumération qui permet de saisir, je crois, les différentes facettes de l'acte réprouvé. L'excommunication est à la fois la sanction de l'acte pécamineux, mais également le signe de la faute. Il s'agit, du point de vue du droit, d'une censure ecclésiastique qui frappe l'individu, et en cela, elle se distingue de l'interdit qui suspend la célébration des offices et l'administration des sacrements dans un espace donné. Les censures ecclésiastiques sont des moyens de contrainte spirituelles et sociaux qui permirent à l'Église latine d'imposer les normes chrétiennes aux sociétés, et ce sans user de la force. L'excommunication a donc joué un rôle décisif dans le processus d'inculcation des normes aux populations chrétiennes dans la très longue durée. Elle paraît ainsi constitutive du pouvoir tel qu'il était exercé dans l'Église, et elle permet de s'interroger sur la nature spécifique de l'autorité ecclésiastique. Le pouvoir d'excommunier a été mis en relation avec la promesse faite par le Christ de conférer à Pierre les clés du royaume des cieux, dans un verset de l'évangile selon Matthieu. Et l'analyse théologique et juridique de ce passage a exercé une très grande influence sur l'affirmation de la monarchie pontificale au sommet de la hiérarchie ecclésiastique. L'exclusion religieuse et sociale était conçue comme temporaire. Il s'agissait de faire pression pour amener le pécheur exclu à se repentir de ses actes, puis à réintégrer la communauté et la société au terme d'une pénitence. Pour garantir l'efficacité de ce moyen de pression, il était interdit aux chrétiens de communiquer avec un excommunié, et ce sous peine d'excommunication. Donc, comme le mal dont elle était la sanction et le signe, l'excommunication était elle-même contagieuse, et la métaphore médicale figure dans les textes théologiques et juridiques médiévaux notamment. À cet égard, l'excommunication occupe une place centrale dans l'économie chrétienne du salut, telle qu'elle était régulée par le sacrement de la pénitence. Elle participe du traitement chrétien de la faute par l'incessant processus d'exclusion-réintégration qui devait favoriser le perfectionnement des fidèles pécheurs en vue du salut. J'en viens maintenant à la question de la formalisation juridique du concept qui, dans l'hindouisme comme dans le christianisme, occupe une place importante. Le concept d'excommunication a en effet fait l'objet d'une abondante formalisation juridique dans le droit canonique, c'est-à-dire le droit commun, dont l'Église latine s'est dotée de manière très progressive et durable. C'est un processus séculaire qui a vu la compilation du droit ecclésiastique et dans l'idéal réformateur du gouvernement chrétien, l'excommunication devait permettre de discipliner les clercs, mais également les laïcs. Lorsque la papauté s'est affirmée au XIIIe siècle comme le législateur suprême de l'Église latine, le pape a promulgué des collections officielles de décrétales, et dans ces collections, l'excommunication se trouve identifiée comme un objet juridique à part entière. Ce processus de définition normatif s'est poursuivi à travers la réflexion doctrinale. Des traités, dès le début du XIVe siècle, ont été spécifiquement consacrés à la question de l'excommunication. Les textes normatifs définissent les cas où la censure était encourue, la manière dont elle l'était, ainsi que les effets de l'excommunication. Alors, dans le droit canonique, l'excommunication sanctionnait des crimes extrêmement graves, comme les violences commises contre les clercs ou l'hérésie, mais elle pouvait également être encourue dans des situations sociales d'une grande banalité, par exemple les parties qui ne comparaissaient pas en justice ou les débiteurs qui ne payaient pas leurs dettes étaient ainsi susceptibles d'être excommuniés. L'excommunication pouvait être encourue de deux manières, de droit, de iure, ou par un homme, de homine, c'est-à-dire par un clerc qui se trouvait investi d'un pouvoir juridictionnel. De nombreuses normes canoniques prévoyaient en effet l'excommunication des contrevenants. Et en ce cas, la personne encourait d'emblée la censure, sitôt la norme enfreinte. Le droit canonique opérait ainsi un jugement immanent qui s'adressait à la conscience du pécheur et qui pouvait ensuite être déclaré à la communauté des fidèles. Donc ce système pénal immanent me paraît spécifique au droit de l'Église latine et il a, je crois, contribué très fortement au processus d'inculcation des normes chrétiennes. Il paraît difficile de recenser les cas où l'excommunication était encourue, car la chrétienté latine présentait une grande pluralité de normes. En plus du droit canonique qui était commun, chaque Église disposait d'une législation locale spécifique que l'évêque pouvait définir avec son clergé. Or, des dispositions locales concernaient également l'excommunication. Je peux citer l'exemple de l'excommunication des comédiens, qui était en fait une disposition spécifique au diocèse de Paris, et elle a été appliquée jusqu'en plein XVIIIe siècle. J'en viens à présent à la question des acteurs de l'exclusion. L'application des normes canoniques pouvait se faire par le droit, donc sans intervention d'aucun membre du clergé, mais l'excommunication pouvait également être prononcée ou déclarée, si elle avait été encourue ipso facto, par un clerc. Il pouvait s'agir d'un curé, d'un évêque, du pape ou d'un juge ecclésiastique. Et le latin ecclésiastique appelle excommunicateur, excommunicator, celui qui fulmine l'excommunication. Alors les commentaires, du droit canonique se sont interrogés sur la nature du pouvoir d'excommunier. Et ils ont analysé ce pouvoir au prisme de la distinction entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Le cas limite qui a permis d'analyser cela, c'est celui de l'archidiacre, qui n'est pas prêtre et qui a néanmoins le pouvoir d'excommunier. Et donc, à partir de l'analyse de ce cas, un consensus s'est dégagé pour rattacher le pouvoir d'excommunier à la juridiction plus qu'à l'ordre. Ceux qui étaient excommuniés étaient des individus qui faisaient partie de la communauté sacramentelle de l'Église latine, qu'ils avaient rejoint donc en recevant le baptême. L'excommunication pouvait également être prononcée par le droit ou par le pape, non pas contre un individu nommément, mais contre tous ceux qui commettaient une même infraction. La question de savoir si l'excommunication pouvait affecter un corps institué, une universitas, s'est posée. Les théologiens et juristes ont débattu cette question intensément. Et ils ont convenu que, comme l'excommunication frappait l'âme, elle ne pouvait être qu'une censure individuelle et ne pouvait pas concerner une institution. Mais le principe de l'individuation de la peine, il a été reconnu d'un point de vue théorique, mais dans la pratique, il n'a été que partiellement mis en œuvre. L'excommunication fut également prononcée contre des non-chrétiens, en particulier contre les juifs qui résidaient dans la chrétienté latine et auxquels le pape prétendait étendre sa juridiction. Et là, la force de la censure trouve, je crois, sa limite, car pour être opératoire, elle présupposait l'appartenance à l'Église qui était rêvée comme une institution universelle. J'en viens à présent au quatrième point qui concerne les rites et procédures d'exclusion. L'excommunication fit l'objet de rites qui empruntaient au rituel de malédiction. De tels rituels ont été célébrés tout au long du Moyen-Âge, y compris contre des animaux. C'était notamment le cas contre les vers qui détruisaient les récoltes, qui étaient donc maudits. La cérémonie d'excommunication consistait en le fait de lire en chair le nom de la ou des personnes excommuniées, après quoi le prêtre jetait des torches à terre. Et l'extinction de la lumière manifestait l'exclusion spirituelle. La papauté a défini un rituel solennel d'excommunication qui a pris une grande importance à partir du début du XIVe siècle. L'excommunication pouvait également être prononcée par sentence. Les juges des tribunaux ecclésiastiques excommuniaient ainsi les débiteurs, les parties contumaces ou d'autres criminels. Il pouvait également rendre des sentences déclaratoires, c'est-à-dire déclarer que l'excommunication avait été encourue ipso facto. Comme la proclamation en chaire des personnes excommuniées, la promulgation des sentences devait garantir l'efficacité de l'exclusion, c'est-à-dire la non-communication des chrétiens avec l'excommunié. Je vous propose d'évoquer rapidement la question des effets sociaux, ce qui implique de s'interroger sur l'application des normes canoniques. Les personnes excommuniées se voyaient exclure de la communauté religieuse. Elles ne pouvaient pas recevoir les sacrements ni pénétrer dans le bâtiment ecclésiastique. Et l'exclusion des excommuniés s'inscrivait dans l'espace social, polarisé depuis le 8e siècle par l'Église et le cimetière. Donc les défunts excommuniés ne pouvaient pas se faire inhumer dans le cimetière et ils se faisaient inhumer dans une fosse à la limite du cimetière, ce qui symbolisait ce qui inscrivait dans l'espace leur exclusion. Pour garantir l'exclusion sociale, les normes chrétiennes défendaient aux chrétiens d'entrer en communication avec une personne excommuniée, et ce sous peine d'excommunication, donc on ne pouvait pas parler, manger, ni passer un contrat avec l'excommunié. Le droit canonique reconnaissait toutefois de très nombreuses exceptions à ce principe. Alors, dans quelle mesure les normes furent-elles appliquées ? On imagine une grande diversité de situations selon les lieux, selon les époques. selon la position sociale des excommuniés. Les évêques, en tous les cas, ont eu le souci de rappeler aux prêtres la nécessité de faire respecter cette exclusion et donc de ne pas céder aux pressions que pouvaient exercer les excommuniés et leurs proches. Donc on imagine que l'inertie des liens sociaux a pu être très forte et l'exclusion n'a dû être vraiment effective que lorsque la communauté elle-même avait intérêt à la respecter. D'une manière générale, le droit canonique a voulu limiter les cas de contagion pour rendre l'excommunication plus efficace. La multiplication des cas où l'excommunication était susceptible d'être encourue risquait en effet d'atténuer la portée de l'exclusion. Et donc il y a eu une volonté de maîtriser la contagion pour lui conserver toute sa portée sociale. Hein, donc il y a toute une élaboration conceptuelle des projets législatifs à ce sujet que je ne présente pas en tant détail. L'excommunication rejaillissait sur les proches de celui qui en était frappé. La personne excommuniée se trouvait privée de ses droits, tels que celui de passer un contrat, de tester ou d'ester en justice. Et donc les actes étaient frappés, enfin, risquaient d'être frappés d'invalidité. Hein, et les pouvoirs séculiers devaient respecter ces interdits. L'excommunication portait atteinte à l'honneur de la personne qui en était frappée, ainsi qu'à celui de ses proches. Hein, je crois que le meilleur exemple de ce phénomène est l'usage de l'excommunication pour dette, hein, qui a été utilisé pour faire pression sur les débiteurs et leurs proches, au même titre que la prison. Cette pratique a été dénoncée comme abusive par les réformateurs du début du XVIe siècle. Et les églises réformées ont conservé la pratique de l'excommunication, mais elles ont restreint son usage à des questions plus spirituelles, hein, amorçant ainsi une sécularisation des censures ecclésiastiques, des peines et des délits, pardon, en réservant les censures ecclésiastiques à des questions spirituelles. La réintégration rituelle et administrative, qui fait l'objet du sixième point, est importante puisque, en effet, on pouvait réintégrer la communauté et la société au terme d'une procédure rituelle ou administrative. L'excommunication pouvait être levée de manière sacramentelle par un prêtre qui concédait l'absolution et qui agissait ici en vertu du pouvoir d'ordre. Donc le sacrement de la pénitence nécessitait la confession du pécheur, l'expression de sa contrition et la soumission à des pratiques qui devaient manifester son repentir et le purifier. Le droit canonique réservait à l'autorité qui avait prononcé l'excommunication le pouvoir de la lever. Et donc les excommuniés se trouvaient pris dans le réseau des circonscriptions ecclésiastiques, ce qui les empêchait de se soustraire à l'exclusion par la fuite. Dans la législation locale, comme dans le droit commun, les évêques et le pape se sont progressivement réservés l'absolution des cas les plus difficiles ou les plus graves. C'est ce que l'on appelle les cas réservés. Mais le droit canonique prévoyait aussi que, quelle que soit la situation, n'importe quel prêtre, voire même n'importe quel laïc, ait la possibilité de donner l'absolution lorsque l'excommunié se trouvait à l'article de la mort. Parallèlement à l'absolution sacramentelle, les fidèles ont eu recours à la grâce du pape. Alors, le droit reconnaissait au pape un pouvoir d'absolution presque illimité, et à partir de la fin du XIIe siècle, des suppliants de toute la chrétienté latine se sont adressés au pape pour obtenir l'absolution de leurs péchés. Ils s'adressaient au pape dans des cas graves, qui étaient réservés à l'absolution du pape, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils s'adressaient au pape dans des cas extrêmement courants, dans lesquels ils auraient pu obtenir l'absolution de leur curé ou de leur évêque. Ces demandes d'absolution étaient adressées par écrit et elles donnaient lieu à une véritable procédure administrative. Et le traitement de toutes ces requêtes a donné lieu à un véritable essor bureaucratique à la curie pontificale. Plusieurs organes étaient chargés de traiter ces demandes. Pour solliciter l'absolution du pape, les suppliants s'adressaient à un procureur qui mettait en forme leur confession écrite. et les demandes étaient ensuite examinées par des officiers curiaux qui les approuvaient au nom du pape. Solliciter l'absolution du pape impliquait donc une procédure bureaucratique longue et coûteuse, et le fait que de nombreux suppliants aient choisi cette procédure, alors qu'ils auraient pu avoir recours à une procédure locale, rituelle ou administrative éventuellement, mais moins complexe, invite à s'interroger sur leur motivation. Cette préférence tient sans doute à des raisons spirituelles, le lien direct avec le vicaire du Christ, mais également à des préoccupations sociales, l'efficacité juridique de la lettre pontificale pour assurer la défense d'intérêts ou de droits qui se trouvaient menacés par l'excommunication. Quoi qu'il en soit, l'ampleur des recours à l'absolution du pape montre que l'excommunication a conservé une force d'exclusion sociale à la fin du Moyen-Âge et sans doute durant l'époque moderne. Donc, le droit canonique a certes multiplié les occasions d'encourir l'excommunication, mais en dépit de cette multiplication, l'excommunication n'a pas pour autant été banalisée au point de perdre toute sa signification sociale. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important parce que les historiens ont longtemps affirmé qu'il y avait eu une sorte de perte de banalisation et de perte de la signification sociale de l'exclusion. L'excommunication a donc continué d'avoir des effets spirituels et sociaux et elle a continué d'être redoutée. La procédure administrative en vigueur à la curie a donné lieu à la perception d'importantes taxes et là encore, elle a été la cible des théologiens réformateurs qui l'ont dénoncée comme simoniaque. C'est-à-dire qu'ils y voyaient la vente de biens spirituels. Et à cet égard, la procédure d'absolution administrative a été dénoncée au même titre que les indulgences. Au début du XVIe siècle, Jean Calvin a donc contesté l'usage que la monarchie pontificale et le clergé romain faisaient de l'excommunication, et il a proposé dans l'institution chrétienne de réserver au consistoire, c'est-à-dire à l'assemblée de la communauté, la faculté de prononcer l'excommunication. J'aimerais très rapidement évoquer la question des usages politiques de l'exclusion. Les papes ont fait usage de l'excommunication contre leurs ennemis politiques et l'exemple le plus évident est peut-être celui de l'excommunication des partisans de l'empereur dans l'Italie centrale et en Italie du Nord au Moyen-Âge, au Moyen-Âge central. Et les pouvoirs séculiers disposaient dans les sociétés médiévales d'une peine d'exclusion qui se trouvait être le bannissement. Alors des recherches sont actuellement en cours sur les liens entre bannissement et excommunication et il semble que dans la pratique les deux formes d'exclusion aient été rarement combinées. En tous les cas, cela suppose que les pouvoirs religieux et urbains aient défendu des intérêts communs. Le lien n'était en tous les cas pas systématique. Quels que fussent les liens très étroits qu'ils entretenaient avec le clergé, les princes ne sont pas parvenus à instrumentaliser le pouvoir d'excommunication. Et ils en redoutaient les effets politiques, puisque si un prince restait en état d'excommunication pendant un an, il était suspecté d'hérésie et ses sujets se trouvaient relevés du serment d'obéissance. Donc la crainte pesait sur les princes on peut voir plusieurs exemples à cela, je n'en cite pas. L'institution ecclésiastique était d'ailleurs pleinement consciente de l'usage politique qui pouvait être fait de l'excommunication en son sein et je crois que là l'exemple le plus significatif est le fait que un texte législatif du début du XIVe siècle est autorisé les cardinaux excommuniés à prendre part au conclave, ce qui peut surprendre. J'aimerais enfin évoquer le devenir de l'excommunication dans les sociétés sécularisées. Les collections médiévales de droit canonique ont été appliquées dans l'Église latine jusqu'en 1917. Le cadre juridique est resté inchangé, mais tel n'a bien entendu pas été le cas de son application. Le champ d'application des censures canoniques s'est restreint au fur et à mesure que le processus de sécularisation s'intensifiait. Et il s'est principalement concentré sur le clergé. Les nouvelles codifications du droit canonique, qui ont été promulguées en 1917 puis en 1983, n'ont pas renoncé à l'excommunication, ni même à l'excommunication ipso facto. Donc cela montre à quel point le système pénal immanent du droit canonique est conçu comme structurant la nature même du droit ecclésiastique. Par exemple, Monseigneur Lefebvre a été excommunié ipso facto. Le système pénal immanent du droit canonique nourrit les réflexions comparatistes des juristes, en particulier en ce qui concerne la réflexion sur les peines automatiques. Des réflexions ont lieu à ce sujet aux Pays-Bas. Dans la pratique de l'excommunication, l'institution ecclésiastique mesure l'écart entre les normes du droit canonique, même actualisées, et les droits sécularisés, en particulier en ce qui concerne le droit de la famille. Et là, je crois que c'est le cas des laïcs divorcés qui retient le plus l'attention des juristes et des prélats. L'excommunication implique une exclusion sacramentelle qui se traduit par l'exclusion eucharistique, mais également dans les pratiques funéraires. Et les spécialistes qui s'interrogent sur ces questions considèrent que les normes canoniques font l'objet d'interprétations très diversifiées. Elles sont elles-mêmes formulées de manière assez imprécise, et donc la diversité des situations est très grande. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, vraiment, c'est concis et dense, c'est bien construit. Donc, est-ce qu'on a le temps? Oui, bien sûr. Bon, je vais être un petit peu plus brève, mais sans doute c'est plus compliqué parce que je ne peux pas m'attendre à ce que vous soyez aussi familier, disons, des pratiques hindoues que des pratiques chrétiennes qui, malgré tout, sont celles de notre environnement. Donc, l'excommunication est un terme chrétien qui signifie être mis en dehors de la communion, on vient de le voir, et si on part du principe qu'on serait envisagé un système religieux sans procédure d'exclusion des membres, qui ne respectent pas la discipline, on peut l'utiliser en dehors de son domaine propre. Il en est de l'hindouisme comme des autres traditions religieuses, on y est inclus avant que d'en être exclu. Et comprendre les enjeux de cette exclusion exige de définir au préalable donc la communauté d'appartenance et dénoncer les critères d'inclusion. Je vais en retenir quatre. Premièrement, l'hindouisme est coextensif à un ordre socio-religieux, le dharma, ou le système des castes. Il se confond avec la société, une société divisée en une myriade de groupes endogames, complémentaires, héréditairement spécialisés et hiérarchisés entre eux. Deuxième trait, on est hindou par la naissance dans l'un de ces groupes. Le mot sanskrit que nous traduisons par caste signifie d'ailleurs naissance. Troisièmement, la naissance dans telle caste ou dans telle autre s'explique par la loi de la rétribution des actes, karma. Quatrièmement, l'hindouisme ne possède aucune hiérarchie ecclésiale, aucune institution comparable à l'Église ou au clergé. Chaque caste dispose de son propre mécanisme de contrôle. Éventuellement, elle impose ses normes sous l'autorité ultime de théoriciens, praticiens du droit religieux, du droit du dharma, dharma shastra. Mais si l'hindouisme ne prévoit pas de rite d'entrée, puisqu'on est hindou, il connaît l'exclusion de la caste. Être exclu de sa caste, littéralement déchu, patita, c'est se voir interdire toute activité religieuse et sociale, c'est être mort au monde. On peut qualifier cette exclusion d'excommunication. Je vais d'abord considérer les aspects théoriques, puis je passerai aux faits observés, mais alors très rapidement. Sur les aspects théoriques, comme nous avons suivi la même grille, je tombe d'abord sur les textes prescriptifs. En effet, il y a des textes prescriptifs. C'est une question de droit, l'excommunication. Elle fait l'objet d'une législation dans des textes juridico-religieux appelés donc traités sur le dharma, dharma shastra. Aucun équivalent possible du mot dharma dans nos langues. Le dharma est compris différemment selon qu'on l'applique au cosmos ou qu'on l'applique à la société humaine ou encore à une caste ou encore à une vie individuelle, à une conduite personnelle. Mais quel que soit le niveau auquel on l'appréhende, et les hindous savent toujours à quel niveau on se trouve, le mot dharma connote deux dimensions inséparables, la préservation de l'ordre établi et la condition qui rend ce maintien possible. On ne peut pas distinguer le religieux et le social, dans cette figure, dans cette configuration, puisque c'est l'appartenance sociale qui fonde la compétence rituelle et spirituelle. Le maintien du dharma est la grande affaire des hindous. Ils le préservent s'ils se conforment à leur devoir propre, à leur devoir d'État, ce devoir que la naissance dans une caste donnée, qui n'est pas le fruit du hasard, leur assigne. Et les actes religieusement répréhensibles dans cette figure sociale sont ceux qui sont interdits socialement. Donc les textes prescriptifs du Dharma Shastra ont une théorie de la faute. On appelle faute une notion sanscrite qui, littéralement, devrait pouvoir être traduite par chute, une chute, patok. Et ces textes normatifs font des listes de fautes et classent les fautes. Il y a toute une comptabilité des fautes. Ces textes aussi prévoient des pénitences-expiations ou des pénitences-purifications et ils décrivent des procédures d'exclusion et de réintégration. L'exclusion est la conséquence de fautes dites majeures qui n'ont pas été expiées. Et en fait, l'accent est mis sur l'expiation bien davantage encore que sur l'exclusion. Et cette exclusion qui doit conduire à expier, elle est destinée à être levée. C'est un moyen de pression. La faute patuk, ce qui fait choir, entraîne un châtiment dans cette vie ou dans une vie ultérieure, car elle s'inscrit dans le karman, en vertu de cette loi de la rétribution des actes, qui est un dogme. L'idée que la faute puisse être effacée du karma a été beaucoup débattue par les théoriciens et elle jure avec l'affirmation souvent répétée que les actes ne meurent pas. On a toujours à payer les conséquences de ces actes. Mais les traités sur le dharma estiment que la faute peut être effacée. Donc il y a dans le brahmanisme au fond la possibilité de suspendre la loi du karma. On peut d'une certaine façon effacer l'ardoise des actes. Ces fautes, comme je l'ai dit, sont classées selon leur gravité, et les fautes majeures sont les grandes fautes qui font chuter, les mahapataka, qui rendent exclus, et il y a tout un vocabulaire pour dire être exclu, mais toujours ça la renvoie à un vocabulaire de la chute. On tombe. Et on tombe de quoi? De sa caste. Ce n'est pas la chute dans le sens chrétien, bien sûr. Les fautes qui font chuter entraînent donc par principe l'exclusion de la caste. Et dans les textes, et très anciennement, dès les Upanishads, il y a 5 types de fautes, mais ce sont plutôt des catégories. Ces 5 fautes sont voler de l'or, boire de l'alcool, avoir des rapports sexuels avec l'épouse de son maître ou d'un aîné, tuer un brahman, et avoir des relations avec les personnes qui ont commis ces 4 autres fautes. Mais en fait, ces fautes sont des modèles de fautes, des types de fautes, et tout un tas d'autres fautes sont listées dans les documents, dans les textes, comme étant assimilables à ces 4 fautes primordiales ou idéales typiques, si vous voulez. Ce qui ouvre un champ d'explication, d'exégèse, d'interprétation et évidemment d'instrumentalisation énorme aux exégètes, aux spécialistes du Dharma Shastra. On considère ainsi que sont des fautes majeures, l'ingestion de nourritures interdites, les contacts avec des personnes, des objets, des animaux, le chien, le porc, le cochon, pollués, et tout un tas de fautes. Et la liste est ouverte, bien sûr. Donc, on voit que la notion de faute ne se rapporte pas uniquement à des questions morales ou de comportement, elle s'apparente aussi à l'impureté. Elle résulte de contacts prohibés et se traduit toujours, que ce soit moral ou que ce soit de nature plus impure, par l'impossibilité d'accomplir des actes religieux. La faute est contagieuse, comme l'impureté. Ça, c'est très important. C'est la faute qui est contagieuse. La personne fautive ne doit pas être touchée. Elle est intouchable, littéralement intouchable. Et le coupable d'une faute majeure doit donc être exclu de sa classe pour mettre en sécurité les membres de son groupe. Il fait l'objet d'une quarantaine. Ceux qui font appliquer la norme maintenant dans l'hindouisme sont 2 catégories de personnel, 2 pouvoirs complémentaires dans le jugement des fautes, le brahman et le roi. Et ça est très théorisé dans tous les traités sur le dharma. La théorie politique hindoue n'enjoint pas au roi, au pouvoir séculier, de fonctionner en accord avec les idées religieuses du brahman, mais le maintien du dharma, le maintien de l'ordre social, requiert la coopération du roi et du brahman. Alors je passe sur ce. Je ne développe pas, mais il y a une idée très importante, c'est que le roi fait appliquer ce que le brahman édicte comme dharma par un moyen coercitif qu'on appelle le bâton dans la théorie politique indienne. C'est par le pouvoir, et le pouvoir le plus violent, par la force, que le roi fait maintenir l'ordre social. Le brahman seul ne pourrait pas faire appliquer le dharma. On dit que le brahman énonce le dharma et que le roi met sa force guerrière au service de l'ordre global. C'est un pouvoir absolu. La procédure d'exclusion, très curieusement, elle n'est pas très détaillée dans les textes. Alors, un des textes, qui est le grand texte du Dharma Shastra, qui sont les lois de Manu, un texte très, très célèbre, parce qu'il est particulièrement bien écrit et particulièrement bien conçu, il ne dit rien d'autre que les autres, mais il est bien fait. Les lois de Manu font un descriptif de l'exclusion extrêmement frappant, où la personne exclue est emmenée à l'orée du village, on casse un pot qui représente son corps, etc. C'est très symbolique. Mais ça ne semble pas être très développé du tout dans les autres textes. On a plutôt l'impression que l'exclusion est automatique. Dès lors que l'on commet une faute, que l'on sait qu'il y a un consensus social, que l'on sait avoir mis la personne dans un état d'impureté totale, eh bien, la personne est exclue, boycottée en quelque sorte par l'environnement. La réintégration, par contre, elle fait l'objet de descriptions beaucoup plus détaillées, parce que c'est là qu'entre en ligne de compte la purification. Et en écoutant Émilie, finalement, je me rends compte que l'excommunication n'est pas tant ce qui préoccupe les hindous que la purification. La purification, c'est leur grande affaire. La procédure de purification est très, très normée. Elle suit un certain nombre d'étapes. Premièrement, la confession, absolument indispensable dans toute la tradition hindoue. Il faut que le coupable reconnaisse sa faute, énonce sa faute devant une assemblée de brahmanes. Cela fait partie de son expiation. Et ensuite, les brahmanes vont fixer les modalités de l'expiation, différentes sortes, y compris des substituts d'ailleurs, des amendes financières, pécuniaires, peuvent remplacer certains rites. Ensuite, on exécute l'expiation sous la supervision des brahmanes. Et puis, les brahmanes déclarent que le fautif est purifié. Et ils donnent un certificat de purification, une feuille, une lettre même de pureté. Une fois que le fautif a été réparé, restauré, tous ces termes sont trouvés, il se retrouve dans l'état qu'il avait avant sa faute. Il recouvre toutes ses compétences rituelles, il recouvre toutes ses prérogatives socio-religieuses. La faute est effacée du karma. C'est très important, car cette dernière considération explique que dans certains cas jugés gravissimes, la mort est prescrite en guise d'expiation. La mort est prescrite en guise d'expiation. Dans un système où la mort n'est pas la fin définitive de la destinée individuelle, le coupable qui meurt absous n'encourt pas un mauvais karma. L'expiation, c'est la mort. Mais mourir en état d'impureté ou d'excommunication, dirait-on dans un autre système, c'est la garantie d'une réincarnation, d'une renaissance désastreuse, terrible. Et les textes abondent en descriptions effrayantes, plus effrayantes les unes que les autres. L'hindouisme n'avait pas des églises couvertes de descriptions de l'enfer, mais avait des récits où on expliquait que les gens allaient pendant des millions d'années être un rat, une souris, un ver de terre, voilà. Et ça faisait très très peur aux gens. Maintenant, les faits observés, on est devant des difficultés historiques que rencontre un historien, je veux dire un problème de source. Il y a, avant le 19e siècle, une réelle difficulté à dire ce qui se passait. On a des descriptions qui semblent être normatives et qui reprennent un petit peu ce que je viens de dire. On pense que dans la plupart des cas, les brahmanes étaient indispensables pour définir la conduite à suivre, parce que seuls pouvaient interpréter les textes. Et ils étaient surtout présents dans les centres de savoir, ou dans les cours royales, ou bien dans les monastères, car les monastères ont aussi joué le rôle de guide de la bonne conduite. Mais l'ethnographie et les observateurs, et premièrement les administrateurs britanniques qui ont fait beaucoup d'observation, nous montre que beaucoup de castes n'avaient pas recours aux brahmanes. Les castes avaient leur propre système de contrôle, des castes qui n'étaient pas des castes de brahmanes et qui ne faisaient pas appel aux brahmanes. Elles avaient un dispositif pour faire régner la discipline chez leurs membres, qui était le conseil de caste. Le conseil de caste est une sorte de tribunal, et ça existe encore, qui veille sur le statut et le rang de la caste, dans un contexte où être hindou, ben, c'est préserver son statut et ne pas mettre en danger, en quelque sorte, la réputation de la caste, la réputation spirituelle, la réputation sociale, la réputation générale, puisque tout se mêle, que le social et le religieux sont étroitement liés. Donc ces conseils de caste fonctionnaient souvent sous la juridiction d'une autorité politique, qui est une sorte de prince ou de propriétaire terrien, mais aussi souvent sous la juridiction d'un monastère, sachant que le monastère était souvent aussi un propriétaire foncier et qui faisait régner la justice et qui levait l'impôt. Donc ça, ces cas de figure-là, on a des documents ethnographiques jusqu'à la fin du XIXe siècle, peut-être même jusqu'à l'indépendance. Depuis l'indépendance, au fur et à mesure que la sécularisation gagne, il est vrai que ces descriptions-là sont très difficiles à mener et que avancer vers la sécularisation, comme un peu Émilie, puisque nous avons pris la même grille, eh bien, on peut dire que la menace de l'excommunication n'atteint plus guère la majorité de la population hindoue, et qu'elle, parce que la majorité de la population hindoue n'estime plus vivre dans le dharma, elle vit encore dans la caste, mais la caste a changé de nature. Par contre, l'excommunication reste un moyen de pression très important dans les groupes qui dépendent de monastères ou dans les groupes qui dépendent de temples, qui sont aussi bien des moines que des laïcs. Les laïcs dépendent aussi de monastères. Et donc, elle est devenue, en quelque sorte, un moyen de pression spirituelle, plus qu'autre chose. L'instrumentalisation de l'excommunication a joué un rôle extrêmement important, et l'ethnographie nous donne beaucoup, beaucoup d'éléments à ces sujets. J'ai moi-même travaillé sur ces questions au XIXe siècle. L'exclusion de la caste est une arme extrêmement redoutable. Elle retranche l'exclu de toute la vie sociale, de toute relation, et cet interdit s'étend à ses proches qui ne peuvent plus manger avec lui, qui ne peuvent plus se marier, qui ne peuvent plus échanger des services, quand on sait que le système des castes est un système de complémentarité de services. Et cette personne est morte au monde. Elle est absolument bannie de tout. Et donc, elle a intérêt à faire le rite de réparation, d'expiation, pour se réintégrer, être réintégrée dans le corps social. Et donc, ce type de pression a été utilisé à des fins politiques, a été utilisé par des politiques, pour contraindre certains groupes à obéir à celui qui détenait le pouvoir. Et également, cette excommunication, et de façon encore beaucoup plus grave, a été utilisée contre des réformes sociales, contre le progrès, on pourrait dire, pour aller vite, au XIXe siècle, par tout un tas de gens qui étaient intéressés à conserver la société dans son état normal, dans son état d'avant les réformes. J'ai, par exemple, beaucoup travaillé sur les excommunications qui frappaient ceux qui allaient à l'étranger, qui se rendaient à l'étranger.